Chapitre 4. Balao n'ose pas rentrer à la maison. Balao, ayant roulé la robe de l'impératrice fort proprement sous son bras, s'assit sur la lisière de la forêt. La nuit était profonde. Les dernières lumières s'éteignaient aux fenêtres de Saint-Martin-des-Bois. Il réfléchissait. Il regrettait sincèrement l'accident qui était arrivé avec le noble étranger qui lui avait rendu visite. Non point qu'il souffrit d'avoir tué, avec aussi peu de forme et sans avis préalable, un de la race humaine qui l'avait insulté. Mais il craignait d'avoir fait un bien gros chagrin à sa chère petite Madeleine. Quel drôle de visage elle lui avait montré quand il traînait, avec tant d'orgueil, par les deux pattes de derrière, le noble étranger en visite. Et son bon maître Coriolis, quels yeux terribles, quelle grimace désespérée, quelle affaire! Non, décidément, tout bien réfléchi, il préférait ne pas encore rentrer ce soir à la maison. Balao se gratta les poils ras mouvant au-dessus du crâne. Perplexité. Et puis il considéra avec inquiétude son butin. C'était dans la pensée d'acheter son pardon et de se préparer à une bonne rentrée auprès de Madeleine qu'il avait chipé tout à l'heure la robe de l'impératrice. La chose était arrivée le plus naturellement du monde. Après avoir pendu le mort, comme il convenait, par sa cravate sur la route de Riom, Balao, le dos lourd, la tête pesante, le pas traînard et les mains d'en haut dans les poches, était revenu dans le village et avait rencontré la petite troupe apeurée des brodeuses à galoches et à chaufferettes, se rendant pour la veillée au soleil noir. Il sourit, sans trop savoir ce qu'il faisait, peut-être parce qu'il avait reconnu Madame Mure et Madame Boche, et qu'avec elles, il y avait toujours quelques bonnes farces à faire. Il entendit qu'elle parlait entre elles d'une robe merveilleuse, d'une robe comme on en porte seulement chez les empereurs des hommes, la robe de l'impératrice. Balao était curieux. Il voulut voir ce chef-d'œuvre de l'industrie humaine. Il retira ses chaussures et se les attacha au cou par les lacets. Dès lors, tout à fait à son aise, il n'eut besoin que d'une gymnastique sommaire par-dessus deux murs et un toit, pour arriver au vasistas de cette salle d'été où Madame Toussaint déployait la merveille. Aussitôt qu'il l'eut vue, Balao eut son idée faite. Cette robe irait à ravir à Madeleine. Et, à la première occasion qui lui était fournie par l'absence des brodeuses, il poussait le vasistas, se retenait par les mains de derrière à la fenêtre, se balançait, attrapait au vol avec les mains de devant l'objet de ses convoitises, rebondissait par le vasistas et disparaissait sur les toits avec la robe de l'impératrice. D'une traite, il avait couru ensuite à la porte du fond du jardin de Coriolis, sa porte à lui. Mais sa main, qui était déjà sur la sonnette, s'en était allée gratter les poils mouvants du dessus de son crâne. Il se rappelait la loi, les leçons de la loi que lui avait apprise Madeleine. On doit toujours prévenir avec de l'argent quand on prend quelque chose. Or, Balao venait de prendre sans prévenir avec de l'argent. Pour Balao, voler et prendre, c'est la même chose. Et la question d'argent, avant la prise de possession, n'est qu'une question de politesse inventée par ceux de la race humaine qui ne veulent rien faire comme ceux des autres races. Donc, Madeleine ne serait pas contente. Mélancoliquement, il s'était éloigné de la petite porte du fond du jardin et avait gagné la campagne. Ah, Balao a fait de beaucoup aujourd'hui. C'est une journée qui compte. Il doit être content de lui. Eh bien non, puisque Madeleine a de la peine, Balao est triste. Cependant, comme il ne peut rester toute la nuit sur la lisière des bois à gémir comme un enfant, et qu'il est malsain de dormir à la belle étoile, il se lève pour rentrer dans le chez-lui de la forêt, dans son pied en l'air du gros hêtre de la clairière de Pierrefeu. Tout cet enchevêtrement de charme, de frênes, de gros chênes et de gros hêtres, et toute cette collection bien droite de milliers de sapins, tout cela qui constitue les bois noirs, n'a qu'un pis-aller pour Balao, comme qui dirait un parc. Et quand quelques-uns de ses amis des sous-bois, comme le renard As, par exemple, fait le malin avec sa charmille épaisse et protectrice, Balao a beau jeu de lui raconter des histoires de lianes géantes en grondant de rire. Aussi, la dernière fois que l'autre est venu lui faire bonjour au gros être, Balao ne s'est pas gêné. As, tu n'es qu'un enfant qui vient de naître. Si tu avais vu, comme moi, dans ma forêt de Bandang, les arbres à trois pieds, les mangliers, qui portent notre hutte sur l'eau épaisse des marécages, et si tu avais vu le mur de lianes géantes tressé d'un arbre à l'autre, qui empêche depuis 100 000 ans ceux de la race humaine de pénétrer dans notre village, tu n'oserais plus nous parler de ton trou de maison, défendu par la charmille de Saint-Martin-des-Bois. Cet as, avait pensé Balao, qui passe pour malin ici, chez nous ferait sourire un éléphant. Et puis d'abord, c'est bien simple, avait-il ajouté. Ma forêt de Bandang, quand on veut pénétrer dedans, il faut y faire un trou comme un tunnel. Ça n'a rien à faire avec les forêts de par ici. As n'avait pas insisté, sachant qu'il n'aurait pas le dessus avec Balao et connaissant le proverbe « un beau mentir qui vient de loin ». As comprenait tout ce que lui disait Balao, parce que l'anthropopithèque avait soin, quand il s'exprimait devant les bêtes, d'oublier la langue des hommes que Coriolis et Madeleine lui avaient apprise. Ainsi, il se mettait gentiment et sans se faire prier, à égalité de bête à bête, et la communication était établie tout de suite entre deux instincts animaux. Ce qui ne l'empêchait pas de garder son quant à soi humain, et même de penser avec sa pensée humaine, tout en s'exprimant devant les autres comme tout le monde de la race bête. Et il agissait même ainsi avec le général Capitaine, qui, lui, prononçait des mots d'homme sans les comprendre, et ne comprenait que les mots de bête. Le général Capitaine était le perroquet qu'il avait volé à Mademoiselle Franchet et qu'il avait emmené en esclavage dans sa hutte de la forêt où il lui servait de concierge. Balao avait le plus grand mépris pour le général Capitaine, trouvant qu'il n'y a rien de plus bête pour une bête que de s'acharner à parler avec des mots d'homme qu'elle ne comprend pas. Ainsi pensait Balao à travers la forêt profonde, en marchant, sans route et sans boussole et sans allumette, en pleine nuit, sans lune, vers sa hutte du grand être, qui était pour lui, comme qui dirait, sa garçonnière. Ainsi pensait Balao, le cœur troublé de ses méfaits, et portant sous le bras, dans un paquet proprement roulé, la robe de l'impératrice. Une voix au-dessus de lui, tout là-haut, le sortit de sa réflexion. « As-tu bien déjeuné, Jaco ?»« L'idiot !» fit tout haut Balao en haussant les épaules. Aussitôt, la voix reprit dans les arbres noirs. « Bonjour, madame, comment vous portez-vous » « Quand tu auras fini de faire l'imbécile, général Capitaine ?» commanda l'anthropopithèque d'une voix rude et animale, et en employant des sons animaux qui produisirent leur effet immédiat. Général Capitaine cessa de jouer à l'homme, et, du haut d'une branche si élevée que nul être d'en bas ne pouvait l'apercevoir, même si on avait été en plein jour clair, même si on avait eu les yeux de Balao, il souhaita humblement, comme un humble concierge perroquet qu'il était, dans la langue animale perroquet que Balao comprenait très bien, car presque toutes les langues animales se comprennent, la bienvenue à son maître. Balao émit quelques grognements et lui demanda comment il se faisait qu'il ne dormait pas encore à cette heure. Général Capitaine lui répondit qu'il avait été réveillé par une grande lueur qui brillait du côté du village. « D'en bas, tu ne peux pas la voir, » fit comprendre l'oiseau concierge à l'anthropopithèque. « Mais moi, je la vois très bien. Le ciel est tout rouge, éclatant comme quand le soleil se lève dans mon pays. » Balao ricana, car il connaissait les prétentions du général Capitaine. Cet animal, qui était du reste menteur comme un arracheur de dents, affirmait avoir vu autant de pays que Balao. Mais il était incapable de dire lesquels. Au fond, il n'avait un peu de bagou que parce qu'il se souvenait d'avoir entendu un loro, perroquet du Brésil, conter chez l'oiseleur de Marseille, où il avait échoué tout jeune, ses prouesses équatoriales. Balao le faisait toujours taire en lui disant « Tais-toi, j'en ai connu, moi, des perroquets dans la forêt de Bandang. Ils n'étaient point d'un vert de gris comme toi, mais ils avaient de l'incarnat aux ailes et de l'azur sur la tête et de l'or au cou. » Tu ne sais même pas, général Capitaine, comment les mères perroquets de la forêt de Bandang obtiennent de leurs petits de l'or au cou. Eh bien, mon vieux, c'est en les nourrissant avec des jaunes d'œufs. Il n'y a rien de meilleur pour l'or au cou. C'est avec ça que, dans la forêt de Bandang, on fait la couleur serein, général Capitaine. Le général alors se taisait, parce que tout le monde savait bien que Mademoiselle Franchet ne le nourrissait point avec des jaunes d'œufs. Balao montait donc dans l'arbre, inquiet de ce que lui avait dit le perroquet rapport à l'incendie. Le grand être de la clairière de Pierrefeu était au moins 400 ans. Il était, à lui seul, un monde, une nature, un univers. C'était le plus bel arbre de la forêt, et il avait bien près de 50 mètres de haut et plus de 2 mètres de diamètre. Balao en avait le plus grand orgueil, bien qu'il ne manquât jamais de raconter à ses amis de la futaie, qui lui en faisaient compliment, que cet arbre n'était rien à côté de ceux de la forêt de Bandang, et que son père et sa mère, avant d'aller suspendre leur maison sur les mangliers des marécages, avaient d'abord habité, au temps de sa première jeunesse, un eucalyptus qui avait plus de 1500 pieds de haut, qu'il disait, et 30 pieds de diamètre. Enfin, il voulait bien se contenter de cet arbre-là, dont il aimait le tronc lisse et propre, la ramure soigneuse, les feuilles polies et luisantes après la pluie, et dont il dévorait les fruits, en ayant bien soin d'en rejeter l'écorce. La nature, dont la voix ne cessait jamais de lui parler à l'oreille, lui ayant soufflé qu'elle contenait le pire poison, celui qui rend épileptique et vous fait ressembler à un homme saoul. Balao, au moment de son emménagement dans l'arbre, en avait chassé tous les animaux, excepté les petits oiseaux, dont il respecta avec grand soin tous les nids. Ce n'était point qu'il fût à l'excès sentimental, mais il aimait la fine omelette. Ce dont s'aperçurent à la longue les oiseaux qui le quittèrent, quoiqu'il prit garde de ne les point chasser. Balao, ayant traversé 10 étages de ramure, arriva à son petit pied en l'air de garçon anthropopithèque. Le concierge était à la porte, le bec ouvert, tourné vers le lointain incendie. Balao mit sa main en visière sur son front et regarda. Cela brûlait au beau milieu de Saint-Martin, du côté de la place de la mairie. Il fut rassuré tout de suite. Du moment que la demeure de Madeleine n'était point en danger, le reste lui était bien égal. Il pensa instinctivement aux 3 frères qui aimaient, comme lui, à faire des farces à ceux de la race humaine. Et il se dit qu'une si grande lueur était peut-être de leur intention. Et il ne regretta point le coup qu'il avait fait à Riom quand il leur avait ouvert leur cage d'homme. Comme la lueur tombait et que le tocsin se taisait, Balao rentra chez lui. Il fit craquer une allumette. Il alluma une bougie qui ne lui avait pas coûté cher non plus que le bougeoir. On pouvait dire que Balao s'était meublé à peu de frais. Les épiceries, merceries et différents commerces du village lui avaient fourni à la longue le nécessaire. Et il avait des provisions dans son cellier, car sa hutte, qu'il avait fort proprement et solidement et confortablement construite à la mode anthropopithèque avec des roseaux, des feuilles, des fougères, des branchages, de la charmille, se divisait en 2 chambres à la mode des hommes. Dans la plus reculée, il entassait les objets de son industrie et les fruits de son larcin. Dans la première, qui était toujours bien propre et fort agréablement tenue et à peu près décorative, il n'y avait que le strict nécessaire, c'est-à-dire une natte, une commode qui contenait quelques linges et effets de rechange, surtout des faux cols et des manchettes bien empesées, pour lesquelles Balao avait une vraie passion. La commode avait appartenu dans le temps au docteur Honorat. Une table de nuit, de même provenance, sur laquelle il avait disposé un portrait-carte de Madeleine. Et c'était tout. Pas de lit. C'était bien assez d'en avoir un avec des draps dans son appartement de la maison du village. Ici, quand on voulait dormir, on couchait sur la natte, et quand on voulait causer aussi. Balao avait horreur des fauteuils, à quelque style qu'ils appartinssent. Ceci ne signifiait point qu'il fût l'ennemi de l'art décoratif. Ainsi, il avait disposé, sur les murs, des tableaux réclames des meilleurs chocolats et des plus succulents biscuits. Longtemps, on avait cherché à l'auberge du Soleil Noir un admirable carton où une jeune et jolie fille, court vêtue, dégustait le petit doigt en l'air un bière doré. Ce carton, qui ornait autrefois le mur de la salle à manger d'été des Roubions, faisait maintenant partie de la galerie de tableaux du seigneur Balao, dans sa maison de campagne du grand être de Pierrefeu. le général Captain était attaché à ce palais, en qualité de concierge, par une patte. Son rôle ne consistait point seulement à nettoyer d'un bec habile tout l'établissement, pendant les absences de son maître, mais encore à introduire les visiteurs et à les faire attendre en leur offrant des faines. Car Balao recevait, quand il était de bonne humeur, ses amis de la haute et basse futée. Pour ceux qui avaient le derrière lourd, il avait imaginé un système de petites coches à même le tronc, formant escalier. L'idée lui en était venue en regardant le perchoir du général Captain chez Mademoiselle Franchet. Balao, qui n'avait jamais vu d'ascenseur, était très fier de cet ouvrage qui permettait à son ami Dole, lui-même, qui n'avait jamais quitté la terre, de se promener dans son arbre comme chez lui et de se donner, ce qui était d'ailleurs parfaitement ridicule pour un loup, des airs de jaguar. Balao avait donc fait de la lumière. Il déroula aussitôt devant le général Captain médusé les splendeurs de la robe de l'impératrice. Puis, l'ayant secoué, comme on lui avait appris à secouer les étoffes, aux fins d'enlever les plis, il l'accrocha à un clou. Ceci fait, il s'étendit, rêveur, sur sa natte, l'esprit tout brouillé des événements du jour. Il aurait bien voulu la paix, mais le général Captain ne cessait de lui poser des questions, auxquelles d'ailleurs il ne répondait pas. La robe de l'impératrice intriguait le concierge. Il voulait savoir si c'était pour s'en revêtir que Balao avait apporté cette parure, et si l'on verrait bientôt son maître se promener dans cette belle robe blanche. Il la retournait avec son bec et trouva le moyen de lui arracher un bout de dentelle, ce qui lui valut une gifle. « Tu as tort de te fâcher, » exprima le général Captain en se mettant hors de portée. « Je suis sûr qu'elle tirait joliment bien. »« Général Captain, » fait Balao d'un ton négligent, « tu ne sais pas ce que c'est que jacaré ?»« Jacaré ? Non, Balao. » C'est un crocodile de la forêt de Bandang. Quand la panthère de Java commence à le manger par la queue, il ne bronche pas d'une semelle. Quand la panthère de Java a mangé la moitié et que sa faim pour ce jour-là est apaisée, la panthère s'en va, mais le jacaré reste. Oui, ma parole, il reste, attendant que la panthère revienne manger le lendemain son autre moitié. Est-il bête, hein? Pourquoi me racontes-tu ça? Demanda le concierge abruti. Pour que tu saches bien que dans la forêt de Bandang, il y a tout plus beau qu'ici. Ainsi, le jacaré est encore plus bête que toi. Mais ne t'y fie pas, général Captain. Certes, ce n'est pas moi qui te mangerai jamais par la queue. Mais mon ami As pourrait bien, si je lui permettais, être moins dégoûté. À ce moment, on gratta à la porte. Balao ordonna à son domestique d'ouvrir, car il avait reconnu un grattement ami. Et Ast, justement le renard, entra, une poule dans la gueule et saluant de sa queue en trompette. Balao lui ordonna aussitôt d'aller déposer sa proie dehors sur le paillasson. Balao avait reconnu une poule de Madame Boche et lui fit reproche de ses instincts carnassiers. As déposa la poule précieusement dans un coin à sa portée. Il avait le museau tout sanglant et tout emplumé, et il s'allongea sur ses pattes en philosophe qui prétend vivre à sa guise et qui peut écouter sans se fâcher les observations des autres, ayant le ventre plein et ses provisions faites pour le lendemain. Il laissa parler le vertueux Balao, qui vantait les douceurs pacifiques du régime végétarien. Et au moment où l'autre s'y attendait le moins, il lui décocha un argument qui assomma quasiment l'anthropopithèque. « Tu te vantes d'être un homme, » dit As, « et tu ne manges même pas de poule ?» Balao ne dit plus rien pendant des instants qui lui parurent interminables. Est-ce qu'il ne lui viendrait pas une bonne réponse à la cervelle? Ce n'était vraiment pas la peine d'avoir fait des études, d'avoir appris à lire les mots d'homme sur les cubes en bois et à les écrire d'abord avec un pinceau, puis avec une plume trempée dans l'encre noire, pour s'en laisser boucher un coin de la sorte par un simple as. Enfin, il se redressa sur son séant, l'œil brillant, toussa et déclara. « Je ne ferai pas de mal à une poule pour manger. Moi aussi je tue, mais je tue parce qu'on m'embête. Mais jamais pour manger. Je trouve ça dégoûtant et je ne te l'envoie pas dire. » « Alors, Dias, tu n'aimes pas ceux qui tuent pour manger. Alors pourquoi aimes-tu les trois frères qui tuent pour manger ?» Balao répliqua. « Je les ai vus tuer l'huissier, et ils n'ont pas mangé l'huissier. Oui, mais ils nous tuent, nous autres, dans la forêt, et c'est pour manger. Tu te vantes, dit Balao en haussant les épaules. Les trois frères ne mangent jamais de renard. Les hommes ne mangent pas de renard. Tu n'es même pas bon à manger pour ceux qui mangent de tout. Ce qui ne veut pas dire que les trois frères ne te tueront pas, car ils n'aiment pas les bavards. Ce sont les bons et les mauvais côtés de la vie de la forêt. Et maintenant, mon vieux As, tu vas me laisser dormir. On peut dormir, dit As, qui comprit qu'on le mettait à la porte, lorsque, comme toi, on a le cœur tranquille et qu'on est l'ami des hommes. Dis donc, Balao, il y a un pendu au premier arbre à gauche sur la route de Riom. Tu devrais aller le décrocher. Balao sauta sur la patte d'As et faillit la lui briser. Qu'est-ce qui t'a dit ça? On ne me l'a pas dit, je l'ai vu, annonça As en tirant sa patte qu'il lécha. Qu'est-ce que tu as vu? Gronda Balao. As jeta un coup d'œil de côté et vit que la porte était restée entr'ouverte. J'ai vu que tu lui remettais sa cravate, jeta-t-il en bondissant hors du petit pied en l'air du grand être de pierre-feu. Balao courut jusque sur le seuil, mais l'autre était déjà au diable. On entendait son petit rire déplaisant dans les lointains ténébreux et feuillus. Balao, qui étouffait de rage, ne trouva pour exprimer son courroux animal qu'un mot de la langue homme. Saloperie!